Bonjour cher Emmanuel, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aimez-vous les histoires? Les histoires qu'on vous racontait le soir sur l'oreiller ou au coin du lit? Les histoires à dormir debout ou à ne plus vouloir fermer les yeux? Le Trône de Fer est un roman d'aventure, mais une aventure au sens fort du terme, au sens philosophique que Jean Kelevitch lui donne. L'aventure, c'est le surgissement de l'avenir pour le meilleur et pour le pire. Il existe des possibilités d'aventure, des possibilités aventureuses qui font renaître l'angoisse à tout moment nivelée par l'ennui. Ainsi, Game of Thrones, la série adaptée du roman de George R.R. Martin, nous emmène-t-elle d'aventure en aventure, loin de l'ennui et loin du sérieux. Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, je reviens d'un voyage tout à fait remarquable. Sache que j'ai pissé du sommet du mur, j'ai dormi dans une geôle céleste... Je me suis battu contre les clans des montagnes. Tellement d'aventures. Game of Thrones, dernier épisode avant la suite, dernière émission des Chemins de la Philosophie sur le sujet, que la fête inattendue commence. And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat. That's all the truth I know. And a coat of gold, or a coat of red, a lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke. And so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear. Et oui, l'aventure passe aussi par la voix comme celle du chanteur de The National, The Reign of Castamere. Cette chanson se situe à la fin d'un épisode de Game of Thrones. Quand on l'a vu, on ne l'oublie pas. Bonjour Nicolas Allard. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les Chemins de la Philosophie. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour terminer cette série d'émissions des Chemins de la Philosophie sur Game of Thrones en partenariat avec Philosophie Magazine. Vous êtes l'auteur de L'univers impitoyable de Game of Thrones, des livres à la série Enquête et décryptage, un ouvrage paru l'an dernier aux éditions Armand Collin. Vous êtes par ailleurs enseignant, professeur de littérature et de philosophie en classe préparatoire. Vos étudiants se trouvent au lycée Potier à Orléans. Est-ce que vous leur parlez de Game of Thrones ? Ah oui, oui, ça c'est m'arrive assez régulièrement. Ah oui, oui, oui. J'aime bien établir des parallèles entre les œuvres que nous étudions et la pop culture. Et souvent, c'est un point qui leur plaît particulièrement. Alors vous, l'angle que vous développez dans votre livre, c'est celui de l'aventure. Pour vous, Game of Thrones, c'est un roman d'aventure. Qu'est-ce que c'est qu'un roman d'aventure ? Alors un roman d'aventure, c'est un genre littéraire tout d'abord, qui est apparu en Europe dans la seconde moitié du 19e siècle et qui a connu un certain succès à peu près jusqu'aux années 1950. Le roman d'aventure traite d'une histoire qui va avoir lieu dans une contrée souvent différente de celle dont sont originaires les personnages principaux. Donc souvent des personnages principaux qui viennent d'Europe ou des États-Unis et qui vont être amenés à quitter leur territoire, leur pays, pour aller effectivement vivre une aventure dans des contrées qui sont étranges, bien souvent inconnues ou peu connues. Les personnages du roman d'aventure sont souvent des personnages assez typiques qui sont souvent caractérisés par une capacité à affronter le danger, à aimer le danger. Mais ce sont des personnages par contre qui sont assez peu complexes, alors que chez George Martin, par contre, on a des personnages très complexes, très évolutifs, entre l'ombre et la lumière. Donc, le Trône de Fer, les œuvres de George Martin, s'inspirent du roman d'aventure. C'est une nouvelle forme de roman d'aventure, mais ça ne correspond pas à ce qu'était le roman d'aventure avec, par exemple, des auteurs comme Jules Verne ou Stevenson, puisque là, les personnages principaux sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus entre l'ombre et la lumière que dans ses œuvres précédentes. Donc là, vous distinguez bien le roman roman d'aventure qu'est Le Trône de Fer, écrit par George Martin, de la série Game of Thrones, à laquelle lui-même d'ailleurs a participé à l'élaboration du scénario. Oui, alors la série, comme les romans, par contre, relève quand même du genre du roman d'aventure, hein, dans les deux cas de figure, puisque la série est quand même très fidèle dans son adaptation dans les toutes premières saisons. Ensuite, il y a une différenciation très importante qui se fait notamment parce que George Martin n'a toujours pas publié les tomes 6 et 7 de son œuvre littéraire. Mais dans les premières saisons, il y a quand même des parallèles très importants que l'on peut évoquer entre le roman et la série qui en est inspirée. Mais ça veut dire que le romanesque peut se traduire à l'écran ? Oui, le romanesque peut se traduire à l'écran, effectivement. On le voit dans le fait notamment que cette aventure, elle est représentée dès le générique par le fait que l'on nous montre bien que le continent de Westeros sur lequel se passe Game of Thrones a une topographie qui est extrêmement diverse, puisque on a à la fois les territoires du nord qui sont envahis par la neige, les territoires du sud qui nous font davantage penser à la Méditerranée, ou alors des territoires qui sont sur le continent d'Essos, qui se trouve juste à côté, qui là nous font davantage penser aux paysages que l'on peut trouver dans l'Égypte antique. Donc d'emblée, on insiste bien dans la série sur le fait qu'il s'agit bien d'une série qui accorde une grande importance à l'aventure et à l'évasion. Et ça, c'est pas la première série qui le fait de cette manière-là aussi ? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de novateur dans Game of Thrones ? Il y a quelque chose de novateur au sens où finalement on ne se limite pas à un seul espace. On aurait très bien pu avoir un espace différent d'une autre, comme on l'a dans Le Seigneur des Anneaux, où on voit bien effectivement que on est dans une sorte de Moyen-Âge un peu fantasmé. Dans Game of Thrones, par contre, ce Moyen-Âge, il est extrêmement divers. On a une multitude de cultures qui nous est représentée. On a également une multitude de paysages. Alors, puisque vous êtes professeur de littérature, parlons genre, justement, vous parlez du roman d'aventure. Est-ce que c'est forcément fantastique ou merveilleux ? On parle aussi du genre fantasy. À quoi ça renvoie, ça ? Oui, alors il faut tout d'abord établir une différence entre le merveilleux et le fantastique. Dans les deux cas de figure, il y a un phénomène surnaturel qui se produit dans le récit. Dans le merveilleux, par contre, ce phénomène surnaturel ne surprend pas les personnages principaux. Cela fait partie de leur monde. Par exemple, Alice qui voit un lapin qui passe, elle n'est pas surprise. Oui, alors on peut, si on revient justement à la fantasy et à Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, personne n'est surpris de voir des elfes, des nains ou des orques, c'est normal. Le fantastique, par contre, l'événement surnaturel apparaît étrange. Les personnages principaux se posent une question, est-ce que ce phénomène est lié à une hallucination de leur part, ou alors est-ce que ce phénomène est tout simplement bien réel, mais dans ce cas-là, ça signifierait que les lois du monde dans lequel ils vivent ont été modifiées. Voilà, qu'en est-il alors du Trône de Fer ? Pour le Trône de Fer, c'est ambigu en fait, hein, pour la raison suivante. Les Marcheurs Blancs, qui constituent les seuls monstres ou les seules créatures vraiment fabuleuses avec les dragons dans cette série, eh bien, sont considérés comme des légendes par les personnages principaux, en tous les cas au début du récit. Il n'y a guère que Jon Snow qui croit véritablement, lorsqu'il s'engage dans la garde de nuit, que son engagement est noble et est utile pour protéger le monde des hommes. Un personnage très raisonné comme le nain Tyrion Lannister pense que tout ceci n'est qu'une affabulation et qu'il s'agit en réalité d'un engagement vain, que la garde de nuit n'aurait qu'une seule fonction, protéger les hommes du sud des sauvageons. Donc ici, on a effectivement une œuvre qui est ambiguë et on constate dans la dernière saison, la saison numéro 7, que l'ensemble des personnages finit par croire que les Marcheurs Blancs existent véritablement, mais on arrive justement à la fin de l'histoire pour aboutir à cette croyance en cette réalité. Et à la fin, on ne peut plus en douter, justement, la fiction, la légende est devenue réalité, c'est peut-être là d'ailleurs le sujet de la série. Je vous propose qu'on écoute George Martin, qui parle lui-même de son rapport aux lectures, et vous verrez comme ça fait écho avec ce que vous venez de dire. Je repense à Tolkien, que j'ai lu quand j'avais 12 ou 13 ans, et je me souviens d'événements qui se produisent dans le livre encore un demi-siècle plus tard, comme si je les avais vécus. Je ne me souviens pas de choses que j'ai réellement vécues à cette époque. J'ai oublié qui était derrière moi en cours de géographie et ce que je faisais au mois de juin de ma 13e année. Tant de mes souvenirs ont disparu, mais pas la mémoire de ces grands livres que j'ai lus à cette époque. Pas seulement Tolkien, mais aussi Lovecraft, Robert Howard, Robert Heinlein, les classiques de la littérature comme Dickens, Shakespeare et les autres. Tous font vraiment partie de moi, et je pense qu'ils font partie de nous tous en tant que lecteurs. Nous absorbons cette matière et elle nous façonne autant que les événements réels de notre vie. Donc dans ce sens, c'est réel. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, et George Martin, le créateur du Trône de Fer et le co-scénariste ensuite de Game of Thrones, la série dont nous parlons cette semaine, vous expliquez que Tolkien, Lovecraft, au même titre que Dickens et Shakespeare, l'ont constitué, ont contribué à former ce qu'il est aujourd'hui, ce qui est le meilleur argument, eh bien, avancer aux détracteurs des séries et de ces fictions qui nous détourneraient de la réalité. En fait, nous sommes aussi ce que nous avons lu et ce que nous regardons, Nicolas Allard. Oui, bien sûr. Et cette citation de George Martin me fait penser justement à un texte très beau de Proust sur la lecture, où il affirme que finalement, lorsqu'il était enfant et qu'il était seul, eh bien, il ne l'était pas totalement, puisqu'il passait beaucoup de temps à lire des grands classiques de la littérature française ou étrangère, et que c'était une excellente conversation finalement qu'il avait avec des gens très intelligents qui avaient vécu parfois des époques très différentes de la sienne, mais avec lesquelles il y avait la possibilité d'une communion intellectuelle. Donc effectivement, George Martin ici, c'est un écrivain qui s'est beaucoup inspiré de textes littéraires qui sont antérieurs à lui, et on peut notamment citer Tolkien et Shakespeare, puisqu'il y a une dimension shakespearienne dans la série. Oui, ah oui, totalement. Et notamment, on entendait tout à l'heure la chanson de la pluie de les pluies de Castamire, qui est l'hymne officieux de la maison Lannister. Et cette chanson est jouée au moment où les Starks sont massacrés pendant les Noces pourpres. Et toute la mise en scène de cette mort est effectivement très shakespearienne. On a vraiment la sensation à ce moment-là d'assister à la fin d'une tragédie de Shakespeare. Alors, quel statut a l'aventure dans cette série et comment les histoires racontent d'autres histoires ? Plongeons, Nicolas Allard, dans la série. Je vous propose qu'on écoute, on remonte le temps, on écoute un extrait de l'épisode 3 de la première saison. Bran de Winterfell, Bran Stark, et donc il est alité, il vient d'avoir un accident, enfin on l'a poussé, Jaime Lannister l'a poussé par la fenêtre et donc il ne peut plus marcher. Eh bien, une vieille femme vient à son chevet pour lui raconter des histoires, écouter le type d'histoire qu'elle raconte et comment ça annonce ce qui se passera dans la série ensuite. Don't listen to it. Crows are all liars. I know a story about a crow. I hate your story. Ne l'écoute pas. Les corbeaux sont tous des menteurs. Je connais une histoire de corbeau. Je déteste vos histoires. Je connais une histoire sur un garçon qui détestait les histoires. Je pourrais te raconter celle du chevalier Duncan le Grand. Ces histoires ont toujours été tes préférées. Ce n'étaient pas mes préférées. Mes préférées, c'était celles qui faisaient peur. Oh, mon doux enfant de l'été, que sais-tu donc de la peur ? La peur, c'est pour l'hiver, quand la neige recouvre tout d'une épaisse couche de 3 mètres. La peur, c'est pour la longue nuit, quand le soleil reste caché pendant des années et que des enfants naissent, vivent et meurent sans rien voir d'autre que les ténèbres. Le voilà, le temps pour la peur, mon jeune seigneur, quand les marcheurs blancs rôdent dans les forêts. Il y a des milliers d'années, on a connu une nuit qui a duré toute une génération. Les rois mouraient de froid dans leurs châteaux, comme les pauvres bergers dans leurs masures. Et les femmes étouffaient leurs bébés plutôt que de les voir périr de faim. Et elles pleuraient, et elles sentaient les larmes gelées sur leurs joues. Alors c'est ça le genre d'histoire qui te plaît ? C'est dans ces ténèbres que les marcheurs blancs sont arrivés pour la première fois. Ils ont dévasté les villes et les royaumes, galopant sur leurs chevaux morts, chassant avec leurs bandes de pâles araignées plus grandes que des limiers. Que lui racontez-vous encore ? Seulement ce que le jeune seigneur a envie d'entendre. Allez dîner, je veux rester seul avec lui. Elle m'a dit une fois que le ciel est bleu parce que nous vivons à l'intérieur de l'œil d'un géant aux yeux bleus nommé Macomber. C'est peut-être vrai. Nicolas Allard, cet extrait vous inspire une réflexion sur la fonction des histoires, ou bien est-ce qu'on peut y voir justement autre chose, peut-être un effet annonciateur quant à quant à l'univers même de la série? Oui, un effet annonciateur tout d'abord, puisque les marcheurs blancs qui sont considérés comme une légende à ce moment-là, c'est le personnage de la vieille Nan justement qui se caractérise dans le récit par sa passion pour les légendes très anciennes. Et bien les marcheurs blancs qui sont une légende deviendront en réalité une menace tout à fait crédible dans la suite de la série, et Bran Stark, qui est à ce moment-là alité, va lui-même aller au-delà du mur, ce mur donc qui permet de protéger le monde des hommes des marcheurs blancs, pour essayer de trouver une solution aux problèmes que ceux-ci représenteront. Donc c'est une annonce non seulement de ce qui va se passer dans la suite de la série, mais une annonce également du destin de Bran Stark, puisque alors qu'on a toutes les raisons de penser qu'il ne pourra jamais devenir un aventurier, son dos est brisé, comme il le dit lui-même, ce n'est qu'un enfant par ailleurs, donc il n'a pas vocation à être un aventurier, et bien malgré toutes ces impossibilités-là, il va être l'un des principaux aventuriers de cette grande aventure qu'est Game of Thrones. Alors, parlez-nous un peu de Bran Stark. On a très peu parlé cette semaine et c'est quand même un personnage très atypique. C'est un personnage très atypique. Il fait tout d'abord penser à ce que dit Jean Kelevitch dans son essai L'aventure, l'ennui, le sérieux, puisque Jean Kelevitch dit que l'aventure, c'est la tentation du vertige. Or, Bran Stark, on le découvre au début de Game of Thrones en train d'escalader le château familial de Winterfell, et c'est d'ailleurs suite à une de ses ascensions qu'il va à un moment donné chuter, pas chuter volontairement, il va être poussé par le personnage de Jaime Lannister, au moment où Bran découvre que Jaime Lannister en fait entretient une relation incestueuse avec sa sœur Cersei. Donc Bran Stark, suite à cet épisode-là, va se retrouver alité et n'aura plus jamais la possibilité de marcher, mais il va commencer à faire des rêves prémonitoires, des rêves qui vont lui donner le sentiment de pouvoir contrôler des animaux. Tantôt il a le sentiment d'être un corbeau, tantôt d'être un loup, et il va justement ensuite être amené à aller au-delà du mur pour rencontrer un personnage qui est récurrent dans ses rêves, qui est la corneille à trois yeux, et qui est un personnage qui possède des pouvoirs spéciaux, notamment un certain don d'ubiquité, au sens où la corneille à trois yeux a la possibilité de voir des lieux dans lesquels elle ne se trouve pas à un moment précis. La corneille à trois yeux a également la possibilité de retourner dans le passé pour observer certains événements. Elle ne peut pas les modifier, mais elle peut aller les voir. Et donc, ce qui est ici intéressant, c'est de voir que finalement, ce qui aurait dû briser le destin de Bran Stark, au contraire, est une sorte de déclencheur, puisque lui-même va aller au-devant de son destin en devenant ensuite ce personnage mystérieux et fascinant qu'est la corneille à trois yeux. Et comment est-il l'histoire à avancer finalement? Comment est-ce que le fait de retourner dans le passé, de changer la temporalité du récit va aider l'intrigue de Game of Thrones à se dénouer? Et bien notamment parce que Bran Stark découvre un certain nombre d'informations sur le passé de l'histoire, et on peut notamment citer le fait qu'il découvre que Jon Snow, qui est censé être son demi-frère, est en réalité son cousin, puisque la mère de Jon Snow était la sœur de Bran, et le père de Jon Snow était un Targaryen. Donc Bran a cette utilité-là. La sœur de Ned Stark plutôt. La mère de Jon Snow était la sœur de Ned Stark. Oui, c'est ça. Pas oui. De Bran. Oui, oui. Oui, oui. Exactement. Voilà, tout ça est un peu compliqué avec toutes ces familles, mais voilà, oui, tout à fait. Et il permet également, le personnage de Bran, de s'interroger sur la dimension magique qui est présente dans Game of Thrones, puisque c'est une dimension qui, pendant longtemps, est simplement assumée par les personnages des marcheurs blancs, qu'on voit assez peu, et là, c'est un des personnages principaux qui permet lui-même de la représenter à l'écran. Mais ça veut dire aussi que Bran va vivre l'aventure uniquement à travers le récit qu'il en fait, pour revenir à ce qu'on disait en début d'émission sur l'importance du récit. Alors, à travers le récit, en grande partie, mais également il se confronte directement à la mort, puisque on sait que aller au-delà du mur est considéré comme un péril mortel. Et malgré cela, il y va, et il n'y va pas entouré d'une légion d'individus armés jusqu'aux dents. Il y va accompagné d'autres enfants. La seule adulte qui les accompagne, c'est une sorte de bon géant qui s'appelle Hodor, mais très vite, ces enfants-là sont confrontés à des dangers qui sont très grands, et c'est la preuve là que Bran, lui, va au-delà de sa propre infirmité en ayant cette capacité à être tout à fait courageux et noble dans sa démarche. Alors avant d'avancer plus en amont dans la série et de comprendre la lecture que vous en proposez, Nicolas Allard, puisque ça fait plusieurs fois qu'on parle de Jean Kelevitch et de l'aventure chez Jean Kelevitch, je vous propose qu'on lui laisse la parole. Écoutons Jean Kelevitch définir ce qu'est l'aventure et vous nous direz ensuite comment il vous est utile pour comprendre cette série. Devenir, c'est littéralement faire survenir ou faire advenir l'avenir, sans réserver en potentialité véritablement l'énigme de l'aventure. L'énigme de ce futur passionnant qui fait battre le cœur et qui est l'aventure. La marge d'aventure est d'autant plus restreinte que la futurition de ce futur est plus automatique. Et cette futurition est une sorte d'hécatombe. Une hécatombe de possibilités innombrables massacrées l'une après l'autre englouties dans l'infini magasin aux accessoires, dans le grand magasin d'antiquités du prétérit, du passé, où elles vont rejoindre nos illusions perdues, nos défunts rendez-vous, nos folles terreurs, nos folles espérances, comme dans un vieil agenda, n'est-ce pas, dans lequel le possible est devenu une date ridicule dont on se demande pourquoi elle nous occupait tellement sur le moment, pourquoi elle nous passionnait. Alors ne vous laissez pas impressionner par le vocabulaire parfois compliqué qu'emploie Jean Kelevitch, hein, la futurition, etc. En fait, ce qu'il dit de l'aventure est contenu dans un ouvrage qui s'appelle L'aventure, l'ennui, le sérieux, où on comprend très bien et plus facilement sans doute ce qu'il veut en dire, Nicolas Allard. Oui, et si on voulait résumer en partie le propos très intéressant qu'on vient d'entendre, on pourrait citer justement le début de cet essai. Jean Kelevitch dit à ce moment-là que ce qui est vécu et passionnément espéré dans l'aventure, c'est le surgissement de l'avenir. Donc, il réfère ici à l'étymologie même de l'aventure, adventura, les choses qui doivent advenir et des choses que l'on ne peut deviner justement à l'avance. Donc l'aventure, c'est à la fois passionnant, comme le dit Jean Kelevitch, puisque c'est quelque chose qui nous échappe, et en même temps dangereux, puisque nous n'avons pas le contrôle sur l'aventure. C'est l'idée qu'on se fait de l'aventure. Oui. Jean Kelevitch apporte peut-être une réflexion. Oui, ouais. Alors ce qui est intéressant chez Jean Kelevitch, c'est qu'il estime qu'il y a tout d'abord une différence entre ce qu'il appelle l'aventurier et l'aventureux. L'aventurier, c'est le professionnel de l'aventure. C'est celui qui se confronte à l'aventure, non pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il estime que c'est un bon moyen de subvenir à ses besoins, de s'enrichir. Et c'est souvent le personnage que l'on trouve d'ailleurs dans le roman d'aventure. Un personnage qui va accomplir une quête, non pas par amour d'un nouveau territoire ou par amour de la connaissance, c'est quelqu'un qui le fait par amour de l'argent. Donc ça, c'est l'aventurier. L'aventureux, par contre, c'est celui qui choisit l'aventure par passion, qui décide de se livrer à l'aventure et aux dangers qu'elle représente parce qu'il a envie de sortir complètement de son quotidien et de se confronter à quelque chose, une expérience qui est totalement différente de ce qu'il a pu connaître précédemment. Si on prenait par exemple Game of Thrones, dans Game of Thrones, il y a un personnage qui passe de l'aventurier à l'aventureux. On aura, je crois, l'occasion d'en parler un peu plus tard. C'est le personnage de Daario Naharis qui va être proche de Daenerys Targaryen, puisque Daario Naharis, initialement, c'est un mercenaire, donc quelqu'un qui se confronte au danger et à l'aventure, mais pas en vue d'un enrichissement personnel. Et à la suite de sa rencontre avec Daenerys qui le change totalement, eh bien, il devient un aventureux. Cette fois-ci, il s'engage toujours dans l'aventure, mais non pas pour répondre à ses ambitions personnelles, à ses intérêts personnels. C'est-à-dire qu'il y a une morale dans l'aventure, en fait. Il y a une forme de morale. Et puis peut-être que l'autre point important que l'on peut citer pour synthétiser la pensée de Jean Kelevitch, c'est le fait qu'il y aurait trois styles, dit-il, d'aventure. Voilà. L'aventure mortelle, l'aventure esthétique et l'aventure amoureuse. Aventure amoureuse qu'il juge être la plus importante de toutes. Donc on va la garder pour la fin, mais un petit peu plus tard quand même. On va pas commencer avec le meilleur, Nicolas Allard. En plus, ça tombe bien, on a peu parlé d'amour cette semaine et pourtant, il existe. On va commencer avec Sam Tarly. Sam Tarly qui va tout plaquer pour partir à l'aventure. Peut-être dites-nous deux mots de ce personnage avant qu'on écoute l'extrait. Oui, Sam Tarly, donc c'est un personnage qui fait partie de la garde de nuit. Ce n'est pas un choix de sa part, contrairement à Jon Snow. Ce sont ses parents qui l'ont envoyé être membre de la garde de nuit, son père notamment. Et Sam Tarly, il n'a rien d'un aventurier. C'est quelqu'un qui passe sa vie à lire des livres. C'est la figure de l'érudit dans la saga. Mais l'érudit au sens positif du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui recherche l'érudition en se disant qu'elle peut avoir une utilité dans son quotidien et qui ne cherche pas l'érudition simplement comme fin en elle-même. Donc, un personnage qui... à ce moment précis, justement, ouais, va aller dans la ville qui s'appelle Ville Vieille, qui est la ville qui représente la somme du savoir dans cet univers de Game of Thrones. Et il y va pour devenir maître, donc quelqu'un qui occupe des fonctions très importantes dans une communauté. Bien souvent, le maître est un guérisseur. C'est quelqu'un également qui a une très bonne connaissance des textes du passé. C'est finalement l'humaniste tel qu'il est présenté au XVIe siècle, quelqu'un qui aurait un savoir multiple et un savoir qui est potentiel utilitaire. Et pourtant, son métier de maître ne le satisfait pas. Écoutez comment la demande d'avenir, hein, ce surgissement d'avenir que qualifie l'aventure selon Jean Kelevitch, va advenir chez Sam Tarly. On écoute l'extrait, puis ensuite quelques lignes du texte de Jean Kelevitch pour venir l'éclairer. Do you know how many steps there are in the citadel? No. 15,782. Tu sais combien il y a d'escaliers dans la citadelle? Non. 15,782. Il y a combien de fenêtres dans le grand septuaire de Belor? Il n'y en a plus aucune. Oui, tu as raison. Le grand Septon Ménard, il notait absolument tout. Il a même noté son nombre de selles hebdomadaires. Ça veut dire quoi? Annulation nuptiale. C'est quand un homme annule un mariage contracté légalement. Là, Ménard dit qu'il a signé une annulation nuptiale pour un prince ragueur et qu'il l'a remarié à une autre femme dans la foulée, au cours d'une cérémonie secrète à Dorne. C'est une chose courante dans le sud. C'est maître. Je suis contraint de recopier tous les manuscrits de ce type-là. Comptage de fenêtres, annulation nuptiale, nombre de selles hebdomadaires pour la postérité, quand le secret de la défaite du roi de la nuit repose sur une étagère poussiéreuse quelque part, oubliée de tous. Mais quelle importance, hein? On peut se transformer, ben vos lèvres, en meurtrier imbécile sous la coupe du diable incarné, du moment qu'on peut accéder au manuscrit du haut Septon Ménard, et c'est 15,780 de merde! Non, de marche. Tu es sûr de vouloir t'en aller? Tu as toujours voulu être un maître. Je suis fatigué de lire les prouesses d'hommes meilleurs que moi. L'amateur qui a quitté volontairement sa famille et ses occupations se trouve pris sur les pentes de l'Everest dans une tourmente de neige. À partir de ce moment, il regrette sans doute d'être parti, mais il est trop tard pour regretter et revenir sur ses pas. À partir de ce moment, il se bat pour son tout ou rien. Il se bat pour sa peau. Ce qui est en jeu désormais, c'est sa destinée et son existence même. C'est, comme on dit, une question de vie ou de mort. L'aventure alors est sur le point de cesser d'être une aventure pour devenir une tragédie. À plus forte raison si l'alpiniste meurt de froid sur le glacier ou tombe dans une crevasse, si l'aventure finit tragiquement. Il arrive qu'on la commence par force et qu'on la continue par jeu, mais le plus souvent c'est l'inverse. On la commence pour jouer, mais on ne sait ni quand, ni comment elle peut finir, ni jusqu'où elle peut aller. Ça pourrait être une définition de la série Game of Thrones. Ça, on la commence pour jouer, mais on ne sait ni quand, ni comment elle peut finir, ni jusqu'où elle peut aller. Ça, on le saura la semaine prochaine. Jean Kelevitch dit dans le texte que l'aventure bien comprise est toujours une question de vie ou de mort. C'est exactement le cas de Sam Tarly qui plaque tout pour partir à l'aventure et de la plupart des personnages de Game of Thrones, Nicolas Allard. Oui, exactement. En fait, tous les personnages, pratiquement à l'exception d'un seul d'ailleurs, qui est Cersei Lannister, je vais y revenir peut-être juste après, connaissent l'aventure. Ils sont toujours en mouvement, toujours sur les chemins. Ce ne sont pas des personnages qui restent finalement toujours au même endroit et toujours avec les mêmes ambitions. Si je reviens à Cersei, c'est parce qu'elle est un cas précis, intéressant. Cersei, donc, c'est un personnage qui reste pratiquement tout au long de la série dans la ville de Port-Réal, qui est la capitale de Westeros. Et que constate-t-on ? Eh bien, Cersei n'évolue pratiquement pas. Telle qu'elle nous a été présentée au début de la série, telle elle est pratiquement à la fin de celle-ci, en tous les cas à la fin de la saison 7. Alors que chez les autres personnages, le mouvement, l'aventure, les amène à se transformer. Et de ce point de vue-là, on peut parler de Jaime Lannister. Mmh. Jaime Lannister, donc, qui est le frère jumeau de Cersei, avec laquelle il partage de nombreux points communs, en dehors du fait qu'il partage le même lit. Eh bien, Jaime Lannister, au début de la série, est un personnage fondamentalement égoïste, dirigé vers lui-même, immoral, et au gré de ses aventures, lorsqu'il perd une main, puisqu'on lui coupe une main pour le punir justement de son comportement jugé égoïste et puéril, eh bien, il va être amené à se transformer et il devient un personnage nettement plus collectif par la suite, un personnage qui se soucie du bien commun, au point d'ailleurs qu'à la fin de la saison 7, il décide de quitter sa sœur, qui est toujours son amante et qui lui affirme être enceinte de leur quatrième enfant. Alors que les trois précédents viennent d'être tués. Hein, alors que les trois précédents sont morts, donc là, ce serait peut-être la possibilité pour lui de se perdurer à travers le temps que l'annonce de cette naissance. Et il préfère quitter sa sœur quand il voit que celle-ci ne cherche pas volontairement à lutter contre cette menace pour toute forme de vie qu'elle est marcheur blanc. Et il décide justement, là aussi, de prendre son cheval et de partir à l'aventure vers le nord. Donc, il y a cette pensée intéressante dans Game of Thrones qui nous montre que l'aventure, ce n'est pas simplement se confronter effectivement à un jeu qui deviendrait sérieux par la suite, voire tragique. C'est également une expérience qui nous transforme fondamentalement. Si l'on revient à Sam Tarly, d'ailleurs, Sam Tarly, au départ, c'est un personnage qui est particulièrement peureux et Jon Snow va avoir pitié de lui et va le prendre sous sa coupe lorsqu'il commence leur formation à la garde de nuit. Et par la suite, Sam Tarly va s'avérer être un personnage assez courageux. Il faut rappeler un fait d'armes qui est quand même important. C'est le premier personnage de la série à tuer un marcheur blanc. Il vient ici en aide à une jeune femme dont il est tombé amoureux, qui s'appelle Vert dans la version française. Et il se trouve à un moment donné confronté à un marcheur blanc au-delà du mur. Et Samuel Tarly, ici, va n'écouter que son courage et va aller directement affronter le marcheur blanc et le tuer. Ce qui lui vaudra d'ailleurs le surnom ensuite de Sam l'égorgeur. Oui, alors qu'avant, jusque-là, c'était une espèce de nounours que personne ne prenait au sérieux. Non, voilà, tout à fait. Et on se rend compte, et on découvre aussi à cette occasion-là, que l'on peut tuer un marcheur blanc, ce qu'on ne savait pas. Que l'on peut tuer un marcheur blanc grâce à un outil particulier, une matière particulière qui s'appelle le ver dragon. Et c'est sans doute l'enjeu de la saison qui nous attend, puisque les marcheurs blancs sont en train d'envahir, enfin de passer au-delà du mur sans doute. Et donc on se rend compte que le vrai enjeu n'est pas tant les humains qui s'entretuent que d'arriver à s'allier, de faire front pour lutter contre ces marcheurs blancs. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on peut estimer qu'il s'agit là d'une sorte de métaphore de ce qui arrive à notre époque. Et George Martin d'ailleurs a reconnu que c'était une interprétation tout à fait possible. Les marcheurs blancs finalement pourraient représenter le problème du réchauffement climatique, un problème qui est mondial, auquel on ne peut échapper. Et malgré tout, malgré la connaissance de ce problème, les grands États préfèrent parfois défendre leurs intérêts personnels, continuer à s'affronter dans des luttes intestines, alors même qu'il y a ce problème global qui nous menace à plus ou moins long terme. Est-ce que vous auriez jusqu'à dire que l'aventure, certes, nous transforme, mais que c'est finalement l'aventure qui permet de ne pas sombrer dans une forme de délire, soit par amour du pouvoir ou par narcissisme? Vous avez pris l'exemple de Cersei, qui est la seule qui ne part pas à l'aventure. Oui. Et c'est de loin le personnage le plus obstinément méchant dans la série. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, on peut dire que Cersei, c'est finalement le seul personnage vraiment méchant. Là, on peut être tout à fait d'accord avec cette interprétation-là. Et on voit bien, à la fin de la saison 7, que dès que les marcheurs blancs, leur connaissance est commune, et bien là, il y a une unanimité qui se crée chez tous les personnages principaux. Et on a une sorte d'union qui va être mise en place, hein, qui nous fait un peu penser justement à ces unions qu'on peut connaître parfois en temps de guerre, où il n'y a ici plus véritablement d'opposition partisane. On se focalise vraiment sur l'intérêt commun, l'intérêt collectif. Et donc l'aventure, eh bien, elle peut effectivement amener aussi à cette union, cette communion entre les êtres humains, plus que finalement la division ou la séparation. Mais Cersei n'en fait pas partie. Elle n'en croit rien. On peut presque penser que Cersei, c'est le seul monstre véritablement de Game of Thrones, en un sens. Et ce serait quel pays? Si on pensait cette métaphore, vous ne citerez pas de nom. Je n'ai pas envie d'avoir de problème en sortant du studio, donc je ne dirai rien. Mais j'ai plusieurs pays en tête. Voilà, mais vous vantez vous vantez les bienfaits de l'aventure et du courage, donc on reverra à la fin de l'émission. On va quitter l'aventure dite mortelle, hein, on va aller vers l'aventure amoureuse. Oui. L'amour n'est pas le mot qui vient en premier pour qualifier cette série, et pourtant il existe. Oui. Notamment lorsque Jon Snow va de l'autre côté du mur et rencontre Ygritte. Écoutez leurs premiers ébats et les discours qui s'en suivent. You seem to like it. I like that song. Who told you that? There's been no one else. Only you. A maid. T'as aimé ça, on dirait. Ouais, j'ai assez aimé. Qui te l'a appris? Il n'y a eu personne d'autre. Seulement toi. T'étais vierge. T'étais encore vierge. J'étais membre de la garde de nuit. Et toi, tu étais vierge? À ton avis? C'était qui? C'était un tout jeune. Il était venu faire du commerce avec ses frères. Il avait les cheveux roux comme moi, baisé par le feu, mais il n'avait pas de force. Toi, tu en as. Lui, c'était le premier. Le suivant, il venait de chez les Ten. Il parlait pas la langue commune, mais par les dieux, il était bâti comme un mammouth. Oui, merci, et là, j'en ai assez entendu. Il vaut mieux rentrer. J'en ai pas encore fini avec toi. Il y a combien de temps que t'as pas pris un bain? Si on ne rentrait pas? Si on restait encore un peu? Cette grotte, je ne veux plus jamais la quitter, Jon Snow. Plus jamais. Vladimir Jankélévitch dit que l'aventure amoureuse est une sorte d'intermède poétique qui interrompt la prose quotidienne. Il tient ce type d'aventure comme étant le plus important dans les trois types d'aventures, oui, qu'on a énoncé tout à l'heure à Nicolas Allard. Et il dit bien qu'elle reste sans rapport avec l'ensemble de la vie et qu'elle n'est pas de l'ordre du destin, mais de la destinée. Quelle différence entre les deux? Oui, alors c'est une différence importante dans l'œuvre de Jankélévitch. En fait, le destin, c'est tout ce qui nous est imposé par le sort. Donc, c'est par exemple nos capacités physiques, intellectuelles, notre enveloppe corporelle également, notre famille, le lieu dans lequel on est né, le lieu dans lequel on a grandi. Tout ce qui nous est imposé, c'est le destin. Et la destinée, c'est dès l'instant où l'on fait appel à sa liberté et que l'on décide finalement d'aller soit à l'encontre, soit au-delà de ce que notre destin nous proposait. Il cite notamment un exemple dans son essai qui me semble assez parlant. Il parle d'Arthur Rimbaud et il dit qu'Arthur Rimbaud, finalement, son destin était celui d'être poète puisqu'il présentait un certain nombre de qualités très jeunes qui ont fait de lui un poète assez génial et tout à fait important pour son époque. Et ensuite, il évoque le fait que Arthur Rimbaud, sa destinée, elle a été manifestée dès l'instant où il a décidé d'abandonner totalement ses activités littéraires pour partir en Afrique et devenir marchand d'armes. Non pas que Jankélévitch estime que ce soit une bonne chose d'être marchand d'armes, mais il dit qu'à ce moment-là, Rimbaud a véritablement fait appel à sa liberté. Et donc, c'est la différence que l'on peut établir entre le destin et la destinée. Et dans le cas de Jon Snow et d'Ygritte, comment ça se passe alors? Eh bien, le destin de Jon Snow en tant que membre de la garde de nuit, c'est de défendre le monde des hommes et surtout de ne jamais connaître de relations charnelles avec une femme, puisque les membres de la garde de nuit sont en fait comme beaucoup de religieux, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir de descendance pour se donner corps et âme à la fonction qui est la leur, qui est donc la défense du monde des hommes. Or, Jon Snow, qui est à ce moment-là une sorte d'agent double dans la série, puisqu'il infiltre les sauvageons pour pouvoir mieux les connaître et pouvoir mieux les combattre. Et bien, malgré le devoir qui est le sien, il tombe éperdument amoureux de cette sauvageonne qui s'appelle Ygritte, amour qui d'ailleurs est réciproque. Et on a presque ici une sorte de réécriture de Roméo et Juliette, puisque les sauvageons et la garde de nuit sont les pires ennemis possibles. Et pour autant, malgré le devoir qui repose sur Jon Snow et aussi sur Ygritte, eh bien, ces deux personnages vont s'aimer d'un amour qui est total et presque fou en un sens. Et vous pensez que c'est cet amour qui conduit Jon Snow à aller suivre d'autres pas que ceux qu'il a suivis jusqu'à présent et changer aller vers sa destinée? Oui, puisque finalement, Jon Snow, lorsqu'il va devenir Lord Commandant de la Garde de Nuit, donc le Lord Commandant de la Garde de Nuit, c'est celui qui dirige la Garde de Nuit. Il est toujours choisi au biais d'une élection. Donc, Jon Snow est élu par ses pairs. Eh bien, lorsqu'il est élu Lord Commandant de la Garde de Nuit, il va prendre la décision d'ouvrir la porte du mur aux sauvageons. Il considère que les sauvageons font partie de l'humanité, que ce ne sont pas eux la menace, mais que ce sont au contraire les marcheurs blancs. Et on voit bien ici qu'il a été au fond inspiré par l'aventure amoureuse qu'il a eue avec Ygritte, puisque Ygritte, à travers cette relation, lui a montré qu'en fait les sauvageons étaient tout à fait semblables aux hommes qui vivaient de l'autre côté du mur et qu'ils avaient une dimension humaine tout aussi importante, sinon plus importante. Oui, il faut imaginer comment physiquement tout les éloigne, géographiquement tout les éloigne pour comprendre la force de cet amour qui arrive à ce moment-là. On est bien loin d'un côté fleur bleue, au contraire. Oui, tout à fait. Il y a une différence presque civilisationnelle. C'est un choc des civilisations que cette relation amoureuse entre Jon Snow et Ygritte. Et d'ailleurs, peut-être qu'à ce propos, on peut citer un passage de Jean Kelevitch, qui est un beau passage où il dit notamment que dans l'aventure amoureuse, elle égalise l'inférieur et le supérieur, rapproche les inégaux, supprime les distances, bouscule les hiérarchies, assouplit une justice trop rigide. Grâce à l'aventure, les bergères épouseront les ambassadeurs. Et ça, cette importance accordée à l'amour, est-ce que c'est caractéristique des romans d'aventure ou est-ce que c'est propre au Trône de Fer puis à Game of Thrones? Alors, dans les romans d'aventure, il y a une certaine importance qui est accordée à l'amour, mais bien souvent, les personnages sont des personnages typiques, donc ce qu'on appelle des personnages typiques en littérature, c'est-à-dire des personnages assez peu profonds, assez peu complexes. On a bien souvent le personnage du mercenaire, de l'aventurier qui ne cherche qu'à s'enrichir et qui va être confronté à l'amour au cours de son aventure. Mais bien souvent, c'est un amour assez léger, étant donné que la femme qu'il aime est assez peu caractérisée. Chez George Martin, au contraire, le personnage féminin est un personnage très fort. Les femmes ne sont pas limitées à la seule question de l'amour. Elles ont également une importance politique. Elles sont capables de prendre part à des conflits armés. Donc, on a ici une vision de la femme qui est beaucoup plus large qu'on peut la trouver dans le roman d'aventure, mais également que l'on peut la trouver chez Tolkien, puisque chez Tolkien, citons le personnage féminin, peut-être l'un des plus emblématiques du Seigneur des Anneaux, c'est le personnage d'Arwen, cette femme elfe qui va épouser Aragorn. Eh bien, Arwen, dans le récit, elle n'existe véritablement que comme récompense qui va être accordé à Aragorn une fois qu'il aura accompli tous ses hauts faits à la fin du Seigneur des Anneaux. Donc, chez George Martin, on a au contraire une réécriture totale du genre de la fantasy avec des personnages féminins qui sont très forts et très importants dans l'intrigue. Oui, vous montrez dans votre livre que sur les 333 chapitres qui composent dans sa totalité le Trône de Fer, 137 chapitres, donc près de 40% des chapitres, sont consacrés aux trajectoires féminines. Exactement. Si on les supprimait, l'intrigue deviendrait bancale. Donc, c'est d'autant plus remarquable, il faut quand même le signaler, que les romans du Trône des Fers ont été écrits dans les années 90, à une époque où il n'était pas encore de bon ton de présenter des personnages féminins héroïques. Maintenant, quand on va au cinéma, dans les principales productions cinématographiques grand public, comme les Star Wars, les Marvel, on a beaucoup de personnages féminins de premier plan. Mais à l'époque où George Martin a écrit ses romans, c'était loin d'être le cas. Donc, George Martin, d'ailleurs, l'a reconnu lui-même. Il se sent fondamentalement féministe. Eh bien, voici Daenerys, qui est le personnage féminin qui a le plus de pouvoir, avec Cersei sans doute. En tout cas, elle est dans une conquête du pouvoir. Elle veut récupérer le trône dont elle est l'héritière. Daenerys, ici, est dans cette quête de pouvoir. Et en même temps, elle sent bien que les relations, alors peut-être amoureuses, peut-être est-il question d'amour là aussi, Nicolas Allard, on va voir, peuvent l'empêcher est atteinte, donc elle est face à un dilemme. Faut-il choisir le pouvoir ou l'amour, parce qu'elle estime qu'il faut choisir. Voici la réponse. You want the Second Sons to attack from the West Coast? If we take Casterly Rock, the Lannisters will have nowhere to run when you hit King's Landing. You're not going to Westeros. Tu veux que les Punais attaquent par la côte ouest? Si nous prenons Castral Rock, les Lannister n'auront plus de refuge quand tu attaqueras Port-Réal. Tu n'iras pas à Westeros. Tu resteras ici avec les Punais. La paix est enfin installée à Meereen. Tu maintiendras cette paix tandis que le peuple choisira ses gouvernants. Maudit soit Meereen. Maudit soit le peuple. C'est pour toi que je suis ici, pas pour eux. Tu m'avais fait cette promesse. Mon épée est à toi comme ma vie est à toi. Voici quel est mon ordre. Si un jour je dois régner sur Westeros, il me faudra forger des alliances. La meilleure façon de faire cela, c'est par le mariage. Qui donc vas-tu épouser cette fois? Je n'en sais rien. Peut-être personne. Mais il te faut attirer les gros poissons des maisons nobles. Es-tu une reine ou un appât? Je ne peux pas emmener un amant à Westeros. Un roi le ferait, sans y réfléchir à deux fois. C'est donc cela que tu veux? Qu'on te prenne pour ma maîtresse? Ma fierté, d'ailleurs, je me fiche de savoir quel seigneur parfumé se tiendra auprès de toi dans la salle du trône. Je ne veux pas de couronne. C'est toi que je veux. Je t'aime. Et je te rends heureuse. Tu le sais. Emmène-moi avec toi. Laisse-moi me battre pour toi. Je ne peux pas. Bon, la réponse est claire, Nicolas Allard, elle n'a pas hésité une seconde. Oui, là, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et ce qui nous montre sans doute, d'ailleurs, Jean Kelevitch insiste beaucoup sur ce point-là, le fait que l'aventure amoureuse soit de tous les styles d'aventure, l'aventure la plus importante. Ici, si Daenerys, finalement, privilégie plutôt ce qu'on appellerait l'aventure mortelle, qu'est la conquête du trône de fer, c'est donc l'aventure au sens assez classique du terme, le fait de se confronter au danger pour obtenir, ça peut être un gain intellectuel, spirituel ou un gain beaucoup plus matériel. Ici, si elle privilégie l'aventure mortelle, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas amoureuse du personnage de Daario Naharis. Et j'en veux pour preuve le fait qu'ils disent dans cet extrait « Je t'aime ». Elle ne lui répond pas « Je t'aime », elle pourrait très bien le faire par ailleurs. Et puis, Daario lui dit « Je te rends heureuse ». Or, il devrait, dans ce cas-là, présenter les choses à partir d'un autre angle et lui dire « Il me semble que tu es heureuse ». Ici, c'est une affirmation comme s'il avait besoin de se convaincre lui-même qu'elle était heureuse, puisqu'elle ne dit rien à ce propos. Donc, je crois qu'ici, finalement, on est face à une confrontation entre un personnage qui est réellement amoureux, le personnage de Daario, qui donc laisse de côté l'aventure mortelle, privilégiant l'aventure amoureuse, alors que le personnage de Daenerys, ici, on voit bien que l'aventure amoureuse ne l'intéresse pas à ce moment-là, que c'est l'aventure mortelle qu'elle privilégie, sans doute parce qu'elle n'est pas follement amoureuse de cet homme. Et aussi parce qu'elle a sacrément conscience de la responsabilité qui lui incombe. Oui. Il s'agit de sauver l'héritage de sa famille et de rétablir la paix dans un domaine. Enfin, oui. C'est vrai que l'amour paraît dérisoire par rapport à la quête qu'elle mène. Et Jean Kelevitch insiste sur le fait que l'aventure est une sorte de parenthèse dans la vie, mais que parfois l'aventure et la vie peuvent se confondre en réalité et ne former qu'une seule et même entité, qu'un seul et même univers. Et c'est un peu ce qui se produit pour Daenerys à ce moment-là, puisque finalement, elle sait qu'elle a de très grandes responsabilités sur ses épaules, qu'elle doit essayer de proposer un autre modèle peut-être de gouvernance à Westeros, et elle ne peut donc pas ici écouter ses sentiments personnels, même si a priori ils ne sont peut-être pas aussi forts que ceux de Daario. Alors, il nous reste 2 minutes, donc c'est trop peu de temps pour écouter un dernier extrait ensemble, Nicolas Allard, mais quand même 2 mots, puisqu'on a commencé à parler de la force de ces personnages féminins, donc là de Daenerys. Oui. Il y a Arya Stark, dont on a un peu parlé cette semaine, qui est la plus jeune dans la famille Stark, qui va décider de venger toute sa famille, qui refuse résolument le destin de femme, mère, épouse, oui. Qui devient une guerrière, qui sait très bien manier son épée, qui va retrouver dans la saison 7 sa sœur Sansa, qui elle a vécu un cauchemar, qui a été violée, mariée de force, etc. Et elles vont ensuite se raconter leurs différentes histoires avec cette phrase-là, qui revient et qu'on commentera ensemble pour terminer cette émission. Nos histoires ne sont pas finies. Elles savent très bien qu'elles sont en train d'écrire quelque chose et que malgré le cauchemar qu'elles ont vécu, eh bien ce n'est pas la fin. Oui, oui, oui. En fait, c'est ce dont parle Jean Kelevitch lorsqu'il évoque l'aventure esthétique. L'aventure esthétique, c'est le fait de raconter les aventures que l'on a pu vivre précédemment. Mais il laisse entendre que dans l'aventure esthétique, il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, un engagement. On n'est jamais totalement dégagé de cette aventure-là. Et ce passage l'illustre bien. Il y a effectivement un certain nombre d'aventures qui ont été vécues par les deux sœurs, qui les ont amenées à évoluer, à devenir des êtres différents, plus forts, mais elles sont également conscientes, finalement, que cette grande aventure de la vie qui est la leur, eh bien, est loin d'être terminée, qu'il leur reste encore beaucoup de péripéties à connaître. Et il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, qui est pourtant décisif pour comprendre ce que dit Jean Kelevitch de l'aventure et le sel de cette histoire qui nous est racontée, c'est celui d'incertitude, c'est qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, effectivement. C'est l'idée selon laquelle l'aventure, c'est fondamentalement ce qui échappe à l'être humain. L'être humain a beau continuer à progresser, à s'améliorer dans sa technologie, l'aventure restera toujours ce qui échappera à l'être humain, quelles que soient ses caractéristiques. Et au fond, c'est peut-être pour ça que l'aventure, on continue à lui accorder autant d'importance dans nos vies ou dans la fiction. C'est parce que elle est une marque, finalement, de notre liberté, puisqu'on ne la maîtrise pas. Mais on ne maîtrise pas non plus la suite et fin de cette série qu'on va regarder dès lundi prochain. Vous avez une idée, un souhait de ce qui se passera, de la fin? Moi, j'ai ma favorite qui est Daenerys. Ouais. Je trouve que ce serait logique, finalement, que ce soit elle qui soit sur le trône de fer. Je pense qu'on peut s'attendre de toute façon à de nombreux coups de théâtre comme on a pu les avoir dans les saisons précédentes. Et moi, j'imagine bien une fin où on verrait Daenerys sur le trône de fer avec son enfant, l'enfant qu'elle aurait eu avec Jon Snow. Et Jon Snow s'étant, dans le même temps, sacrifié, puisque ma théorie, c'est que les Marcheurs Blancs sont une menace qui peut être repoussée, mais qui ne peut pas être totalement détruite. Donc, on aurait ici un dénouement doux-amer, comme George Martin l'a souvent présenté. Bon, c'est très précis, merci Nicolas Allard de ce pronostic, on verra ce qu'il en est. En attendant, on peut lire votre ouvrage, L'univers impitoyable de Game of Thrones, des livres à la série Enquête et décryptage aux éditions Armand Collin. Et puis donc, on sera tous devant nos écrans lundi, 21h, c'est ça, sur la chaîne OCS, heure française. Voilà, heure française, et pour ceux les plus courageux, ceux qui aiment le plus l'aventure, 3h du matin. Bon, en attendant, on peut écouter une autre version de The Reign of Castamere, ici par Sigur Rós. Également vous plonger dans le hors-série de Philosophie Magazine consacré à Game of Thrones que vous trouverez en kiosque aujourd'hui et les jours suivants pour patienter jusqu'à la prochaine saison de Game of Thrones. Vous pouvez aussi écouter, réécouter, télécharger et là découvrir le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous parlez ce matin d'un livre que vous avez particulièrement aimé. Et oui, un livre que j'ai même adoré. Alors déjà parce qu'il paraît dans l'excellente et jolie édition d'Anna Moza et ensuite parce qu'il pose une question passionnante. comment pense un savant? Cette question, c'est Jean-François Bert qui la pose à partir du cas d'un scientifique peu connu mais tout à fait original, Georges Louis Le Sage. Alors Georges Louis Le Sage, pour vous faire une petite présentation, est un physicien et mathématicien de Genève, né en 1724 et mort en 1803. Son idée, qu'il pensait révolutionnaire mais qui a été surtout vue comme une mauvaise application des principes de Newton, conserver la gravité et plus précisément les corpuscules ultramondains, de petits éléments de matière censés mettre en mouvement les corps célestes par un effet de compression. Mais si Jean-François Bert s'est penché sur le cas Le Sage pour se demander comment pense un savant, c'est moins pour le fond de sa théorie que pour sa méthode très originale. Pour consigner ses découvertes, ses expérimentations et ses hypothèses, Le Sage n'avait en effet pas recours à des feuilles ou à des carnets, mais à des cartes à jouer. Ce qui peut paraître fou aujourd'hui, mais qui était en fait courant à l'époque, c'est d'ailleurs ce que faisait aussi l'un de ses contemporains, Jean-Jacques Rousseau. Pour bien remplir le titre de ce recueil, je l'aurais dû commencer il y a 60 ans. Car ma vie entière n'a guère été qu'une longue rêverie divisée en chapitres par mes promenades de chaque jour. Je le commence aujourd'hui, quoique tard, parce qu'il ne me reste plus rien de mieux à faire en ce monde. Je sens déjà mon imagination se glacer, toutes mes facultés s'affaiblir. Je m'attends à voir mes rêveries devenir plus froides de jour en jour, jusqu'à ce que l'ennui de les écrire m'en ôte le courage. Au milieu du XVIIIe siècle, les savants écrivent sur des bandelettes, des feuilles volantes, des fiches ou encore sur le verso des cartes à jouer, nous explique Jean-François Bert. C'est une pratique qui complète, puis finit par remplacer l'écriture sur un carnet ou sur un registre. Avec la carte, puis la fiche, il devient possible, bien plus facilement qu'auparavant, d'accumuler, d'organiser, de classer, de transférer, de partager des informations nécessaires à tout travail de recherche. Deux savants genevois ont fait l'expérience de ce geste singulier. Jean-Jacques Rousseau, qui a donc rédigé ses rêveries du promeneur solitaire sur le dos de plusieurs cartes à jouer, se servant de celles-ci comme une sorte de bloc-notes qu'il pouvait emporter partout et qui lui permettait surtout de réduire le temps entre l'idée et l'écriture de l'idée sur le papier. Et il y a donc aussi Georges-Louis Le Sage, qui a fait des cartes à jouer une véritable méthode d'enregistrement, de classement et de partage du savoir. 35 000 cartes à jouer au total composent les archives de Le Sage. Notes, citations, réflexions ou témoignages de ses découvertes. Ce fond est massif, dense et vertigineux, car chaque carte se complète, se prolonge ou se métacommente, posant ainsi à nouveau frais la question de la méthode scientifique. Comment pense un savant? C'est-à-dire comment un savant peut-il enregistrer ses recherches? Et inversement, comment cet enregistrement bouleverse ses recherches? J'aurais pu employer le mot histoire. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et sans doute, j'aurais évité certaines confusions. Mais je crois que je serais tombé moi-même, par la force même du mot « histoire », dans d'autres confusions. En effet, quand on parle en général de l'histoire du savoir ou de l'histoire des connaissances, on essaie de faire l'histoire de ce que les hommes ont pensé, de ce que les hommes ont découvert, de ce qu'ils ont su ou de ce qu'ils ont cru. Alors, ce n'est pas cette histoire-là que je veux faire, ni l'une ni l'autre. Ce que je veux faire, c'est la description, en quelque sorte, des formes de discours et des fonctionnements du discours dans une civilisation. Et ces formes de discours, ce fonctionnement des discours, est à la fois différent des pensées, de ce que les hommes ont pensé, et différent aussi des pratiques sociales, économiques, politiques, qui peuvent caractériser une civilisation. Quand Foucault questionne la manière dont s'est fondé le savoir, au terme d'histoire, il préfère celui d'archéologie. Il ne pose pas une autre question que celle-ci. Comment le savoir n'est-il pas seulement tributaire de son fond, mais aussi de sa forme, de sa construction, de sa manière d'être posé, d'être structuré, d'être mis en œuvre? Et Georges-Louis Le Sage incarne incroyablement cette question avec ses cartes à jouer, car celles-ci sont une attestation de ses recherches, mais elles ont profondément aussi réorienté celles-ci, au point de devenir leur centre, sa véritable recherche. Finalement. Qu'est-ce qu'un bon livre de physique? Doit-il être relié, par exemple? Comment faire usage de la ponctuation et de l'orthographe? Comment prouver que l'on est l'auteur de ce que l'on écrit? Parce que tout devait être consigné, corrigé ou validé, repris ou amendé, tout devait être classé, empaqueté et étiqueté. Le Sage n'a peut-être pas révolutionné la science, mais il a au moins un peu modifié notre rapport au savoir. J'en conclus que Le Sage portait bien son nom. Bah, pas mal, pas mal. Et ce livre est très joli, il faut donc le dire. Comment les pense un savant? Comment pense un savant de Jean-François Bert, un physicien des Lumières et ses cartes à jouer, et c'est aux éditions Anna Moza. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Elsa Le Saulnier, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Liz Combe qui a réalisé cette semaine, Jordan Fuentes qui était à la prise de son aujourd'hui, Thibaut de Montalembert qui était à la lecture des textes. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie de la philosophe Yala Kisukidi. Je vous donne également rendez-vous, enfin Géraldine, c'est vous qui donnez rendez-vous samedi 13 avril à 11h30 pour l'enregistrement d'un forum sur l'Europe organisé par France Culture. Alors ça aura lieu au grand amphithéâtre de la Sorbonne, c'est à 11h30. La question que l'on se pose avec Céline Spector et Patrice Maniglier, l'Europe, rêve ou cauchemar démocratique? L'entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire sur le site de la Maison de la Radio. Voilà, et on mettra toutes les informations en lien aussi sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez également podcaster cette émission ou la réécouter. Écoutez où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne rendez-vous sur Instagram, Twitter, Facebook où nous serons ravis de répondre à vos commentaires. À demain, 10h, en silence. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.